Paula! Chuck. On va aller faire arrêter de parler, je veux. Au pouvoir âge de tout le monde parler, je veux. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. Chuck. On va les faire arrêter de parler, je veux. Le pouvoir âge de tout le monde parler, je veux. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. Je suis le bon, la brute et tout co. Sacré soirée, Jean-Pierre Foucault. Si je ne m'abuse pas du calumet, ne voilà-tu pas qu'on va t'allumer. Je regarde mes fils, mes meilleurs amis. Qu'est-ce que tu veux, j'ai foutre à Miami. Je regarde les mêmes visages patrouillés. Un fusil à pomper des balles rouillées. Un kalachnikov sur la burqa. Le nom Castellani la tourka. Viser l'artère remontée par le bassin. Un black et Sacha sous les magasins. Avec Mathilde, j'ai tué les champs. Va t'en falloir pour me faire déplacer. Avec Samad, j'ai sauté des gens. Avec Kala, j'ai vendu de lacets. Jamais content, ça rend fou ta vue. Que le rap game rajoute une piste de flûte. Si mafia existe, c'est nous la rue. Rappelle-moi qui sont ces fils de pute. On va les faire arrêter de parler, je veux. Le pouvoir ajoute tout le monde parler, je veux. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. Donne-lui de l'amour, mets-lui de la craie. Pouvais pas prévoir qu'il me raterait. Affranchis l'album, c'est un stand de tir. Ce qu'on fait d'abord, qu'on dit après. Qu'on perd le haki sous les tricolores. Rejoins le maquis des rebelles au nord. Et tu vas te faire sauter par le chef. Et si c'est toi le chef, c'est que t'es bientôt mort. Au lieu de te demander qu'est-ce qu'ils foutent ici, demande-toi plutôt ce qu'on foutrait là-bas. Je vais t'arrêter ton planning fiscaliste. Je vais voir mon fiscaliste en gel là-bas. Il rêverait d'un fiel jour docile. On trouvait du shit dans mon fossile. Les gens de mon espèce décorent l'Italie. Contactez ma touche en Mauritanie. Parlons peu, mais parlons pas de finance. Tu leur jettes une quête place et misance. Je mets du sang partout comme si c'est légal. Criblé de balles sur une page du Sénégal. Besoin d'une danse, faisait d'un bouffon drôle. Pour toutes les oreilles et les genoux pour frôle. J'ai patrouillé les blocs avec Jinka. RAS, la zone sous contrôle. On va les faire arrêter de parler, je veux. Le pouvoir ajoute tout le monde parler, je veux. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle.